Chapitre 32e, le rêve réalisé. Le mariage de William donna lieu à une dispute d'affection entre ses deux frères. Gary et Frank luttaient à acquérir le bonheur de posséder leur mère. William n'avait plus besoin d'elle. Frank voulait louer un appartement plus confortable où elle pourrait s'installer. Il alléguait mille et une raisons, se plaignait de sa blanchisseuse, de ses chemises sans boutons, etc. Gare, qui occupait toujours la même suffragance, sollicitait depuis longtemps le bonheur de posséder sa mère et ne pouvait plus, disait-il, se passer d'elle. Jane inclinait en faveur de Gare. Elle avait l'idée que les vieilles dames, comme il se serait récrié s'il l'avait entendu se donner ce titre, n'étaient pas à leur place dans l'appartement d'un jeune avocat. La question devait se résoudre au mariage de William. Frank avançait plus rapidement que la plupart de ses collègues. Il avait déjà eu deux ou trois fois l'occasion de plaider à Helstonleigh. Pendant ce temps, William prenait possession de l'ancienne demeure de M. Ashley et le jour du mariage approchait. Outre ses fils, Jane avait une visite, son frère Francis, qui était venu pour unir les fiancés. Le soleil de septembre éclairait des hauts femmes. Jamais plus beau jour n'avait éclairé une noce. Marie, dans sa robe de dentelle blanche et sous les plis de son voile flottant, rougissante, timide et charmante, attendait, entourée de ses amis, dont aucune n'était aussi jolie que Annaline. Annaline. Oui, Annaline. À l'éternel scandale de patience, Anna était dans l'église, en costume de demoiselle d'honneur. Marie, à laquelle on avait défendu la même intimité avec Anna depuis la maladie de Samuel Lynn, mais qu'il avait toujours aimée, avait obtenu de Madame Ashley la permission de la voir au nombre de ses amis de noces. L'invitation avait été faite et Samuel Lynn n'avait pas cru devoir la refuser. Patience en était indignée et Anna folle de joie. Elle était là, debout dans sa robe blanche, faite non pas à la façon primitive de ses robes de quakeresse, mais à la mode du jour. Ses magnifiques cheveux ombrageant ses joues fraîches, ses beaux yeux bleus modestement baissés, tableau charmant et bien dangereux pour Henry Ashley, si ses anciens sentiments avaient toujours existé. Mais comme il l'avait dit à William, il était guéri. Peu de temps encore, et Anna aurait elle-même besoin d'amis de noces, quoique les amis de noces soient une métaphore en parlant des quakeresses. La jolie figure d'Anna avait percé le cœur d'un membre de la secte de Samuel Lynn, et il l'avait demandé en mariage. C'était une union des plus avantageuses au point de vue pécuniaire, et la partie féminine de Helstonleigh regardait d'un œil d'envie la bonne fortune d'Anna. Le prétendant était M. Gurney, bel homme, riche et dans les affaires, mais beaucoup plus âgé qu'elle. Sa jolie habitation, un peu en dehors de la ville, était pourvue de tous les conforts désirables. Il avait même un équipage à deux chevaux. Il avait été pendant quelque temps le visiteur assidu de Samuel Lynn, et Anna avait appris à l'estimer. Tout le monde avait deviné aisément que le but de ses visites ne pouvait être qu'Anna. Elle seule ne s'en était pas doutée. Depuis sa malheureuse escapade, elle avait abandonné toute pensée de mariage. Si elle avait soupçonné les intentions de M. Gurney, peut-être se serait-elle mise en garde, car il y avait dans son caractère un certain esprit d'opposition. Mais avant qu'elle eût songé à rien, elle en était venue à l'aimer trop sincèrement pour faire la coquette. Chose étrange, à part son expression toute différente, il y avait dans les traits et la tournure de M. Gurney quelque chose qui rappelait Herbert Dare. C'était un excellent mariage, assurément, mais Patience n'en éprouvait pas la satisfaction la plus complète. Patience avait le pressentiment que M. Gurney serait beaucoup trop indulgent pour Anna. Patience prévoyait qu'Anna quitterait son bonnet tant qu'elle le voudrait sans être réprimandée, et la chose était plus que probable. Charles Gurney, son fiancé, pouvait-il en effet souhaiter un plus charmant tableau qu'Anna dans son costume de demoiselle d'honneur? William, calme et digne, reçoit Marie des mains de son père. Le révérend Francis Tate lit le service liturgique de l'église. Égard, en surplis blanc, se tient à côté de lui. Les larmes de Jane coulent sur sa robe de moire gris-perle. Frank fait l'empresser parmi les amis de noces, et Henry Ashley est dans un de ses plus violents accès d'ironie. William et Marie sont unis, et la voix de M. Tate résonne dans la petite église des hauts femmes lorsqu'il lit cette injonction solennelle « Que l'homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis ». Les rues de Helstonleigh sont couvertes de monde et les fenêtres garnies de têtes. On savait que les nouveaux mariés traverseraient la ville en partant pour leur voyage de noces. tous les ouvriers de la manufacture Ashley s'étaient réunis devant la fabrique, négligeant leur travail de l'après-midi, négligence que Samuel Lynn non seulement excusait, mais à laquelle il participait lui-même. Lorsque la voiture à quatre chevaux de M. Ashley, conduite au grand trot par les postillons, parée en vue, un hurrah étourdissant sort de toutes les poitrines. William sourit et salue, mais les curieux ne peuvent apercevoir de la fille du patron, assise à côté de lui, qu'une joue rougissante et en voile blanc. Accroupi au coin d'une rue, les vêtements sales, les yeux injectés de sang, était Cyril Dare. Jamais figure ne ressembla plus à celle d'un mauvais sujet que la sienne à la vue de la voiture. La place qu'occupait maintenant William aurait pu être la sienne s'il avait travaillé pour l'obtenir et s'en était rendu digne. Un nuage d'amertume passa sur ses traits. Les deux époux le remarquèrent. Marie se demanda quel mari il aurait été pour elle. Cyril lança contre une bordée de paroles qui, certes, ne devait pas renfermer de bénédictions. Dobbs aussi avait lancé quelque chose après eux, et dans l'ordre chronologique, nous aurions dû le mentionner en premier lieu. Patience, qui surveillait leur passage de sa fenêtre, avait vu Dobbs sortir en cachant un certain objet sous son tablier et se poster au portail, où elle attendit patiemment une heure et quart. Lorsqu'on en aperçut l'équipage, Dobbs s'abrita derrière la haie de façon à ne laisser voir que son bonnet et ses yeux. Quand la voiture eut passé, elle s'élança au milieu de la route. La première impression de Patience fut qu'elle allait s'accrocher par derrière. Mais non, Dobbs sortit de leur cachette une paire de vieux souliers, l'un sans semelle, l'autre sans quartier, et la lança de toutes ses forces après la voiture, au grand détriment du laquais qui l'a reçu à la tête. « Rien de pareil aux vieux souliers pour porter bonheur !» marmotta Dobbs à Patience en rentrant. « Je n'ai jamais vu de mariage bien tourné quand on n'en avait pas lancé après. »« Je leur souhaite bien du bonheur, le bonheur d'un heureux retour de ces contrées barbares !» dit avec en face Patience, pour laquelle son séjour parmi les Français avait été un véritable purgatoire.